Dolbeau Auto a décidé de souligner le mois de l'arbre et de la forêt en vous proposant le Silverado 1500 édition 4x4 à seulement 175 $ aux deux semaines, à 1,5% de location pendant 48 mois ou obtenez 11 000 $ sur certains camions. Dolbeau Auto, 1770 Boulevard Wahlberg, au téléphone 418-276-0580. Le mois de mai, c'est le mois de l'arbre et de la forêt. CLML sait ce que représente la forêt. CLML possède des chargeuses sur roues en plus d'une dizaine d'employés. CLML œuvre dans les séries du secteur de Mistassini et Saint-Félicien. Les bureaux de CLML sont au 905 boulevard Amel, Saint-Félicien. 418-679-4194. On va parler de baseball. Tu sais quoi, ce qu'on n'a pas parlé avec Jacques Doucet? On va parler des Blue Jays. On va parler de Vladimir Guerrero. C'est incroyable ce qui se passe. Salut, Jacques. Salut, Danny. Jacques, avant, je voulais te parler, je voulais te féliciter pour, et puis on est bien content que la traduction de, du livre de Philippe va être traduit en français. Moi, les gens qui le lisent en anglais disent que c'est extrêmement intéressant et, on est bien content. Ben, écoute, j'ai préjugé pour te dire que oui, c'est intéressant. Parce que c'est moi qui le fais. Ouais. On redécouvre l'homme qu'on a connu à Montréal. Ah oui, effectivement. Puis y a-t-il, ben c'est sûr que tu veux pas trop le dire, mais y a-t-il des histoires qui n'ont pas sorti sur les expos dans le temps? Ou... Ben c'est pas tellement sur les expos, mais ce qu'on apprend surtout, c'est le côté nationaliste de Philippe Allou, de toutes les outrages qu'il a subis lorsqu'il est arrivé aux États-Unis, en Louisiane, alors qu'on a chassé tous les joueurs de baseball noirs ou latins, parce que c'était encore dans les gènes du sud des États-Unis, le racisme. Ouais. Et c'est encore... moi, je calcule un petit peu Philippe, un petit peu le Jackie Robinson des latins, là. Oh, parce c'est bon que ça. Lui aussi a connu des moments très, très difficiles, surtout que, contrairement à Jackie pouvait l'expliquer, lui, parce qu'il n'y avait pas la langue dans sa poche, s'il voulait, mais Philippe parlait pas anglais. Ouais. Alors, ouais. C'est comme... et puis, on apprend dans la première phase du livre, je peux te la donner, c'est « Mon nom n'est pas Allou ». Ross, je pense, hein? Ouais, son nom, c'est Rojas. Ouais. Parce que lorsqu'il est arrivé aux États-Unis, sur son passeport, c'était Philippe Rojas Allou. OK. Alors, sur son uniforme, on a marqué F.Allou. OK. Et Philippe ne parlait pas assez anglais pour dire, ben non, c'est pas mon nom, là. Ouais, c'est sûr. Mais Philippe, il est un petit peu amer avant les expos, hein, que ça a été si long avant qu'il ait sa chance comme gérant, hein. Ben, envers le baseball majeur aussi. Parce envers que, le baseball majeur, OK. Tu sais, auparavant, il y avait eu Preston Gomez, qui avait été un latin, c'était un Cubain qui avait été gérant des Padres de San Diego. Il l'a été par la suite aussi avec les Astros de Houston. Mais, tu sais, ça a pris très longtemps avant que les latins, comme les noirs aussi, tu sais... ça a été Frank Robinson qui a été le premier gérant noir de l'histoire. Ouais. Puis encore aujourd'hui, si tu fais le tour des 30 équipes du baseball majeur, c'est de trouver gérant, directeur gérant ou instructeur de couleur. Tu sais, on entend chaque fois qu'il y a un gérant qui est congédié, on espère qu'on va donner une chance aux minorités. Ben, un gars comme Ron Washington n'a pas eu sa chance après qu'il ait été congédié par les Rangers Texans. Quand tu repenses à ça, puis Ron Washington s'est rendu quoi, deux fois en série mondiale? Ouais, mais tu sais, il est instructeur aujourd'hui, là. Ouais, mais j'ai... c'est ça, tu sais. Mais tu sais, encore là, on ne rentrera pas dans tous les détails. Il y en a qui ont beaucoup de problèmes personnels aussi. Ouais. On va parler d'un joueur, Vladimir Guerrero Jr. Quel début de saison. Écoute, hier à Sportsnet, on montrait qu'il y a un OPS de 1155. Moi, je le regarde tous les jours parce que je suis abonné à Minor League Baseball. Jacques, honnêtement, là, quand est-ce qu'on va le monter à Buffalo? Tu sais, qu'est-ce que tu fais pour... Ben, moi, je prévois pas avant la pause du match des étoiles. À Buffalo? Non, pourquoi brûler les étapes? Ben, il est beaucoup trop fort. Bon, mais c'est pas à Buffalo où il va avoir vraiment... dans le moment de, d'année, c'est au niveau 2A que tu as ton meilleur calibre. C'est pas au 3A. Au 3A, tu as des gens qui n'ont peut-être pas le talent voulu pour grimper sur la dernière marche, tu sais. Mais l'expérience. Et puis, t'as des gars. T'as des gars d'expérience, oui, mais c'est pas. Le calibre est plus, je crois, dur dans le 2A. Parce que c'est là que tous les clubs du baseball majeur regroupent leurs meilleurs éléments. Ouais. La Ligue américaine n'est plus ce qu'elle était. Auparavant, c'était la dernière étape avant d'atteindre le baseball majeur. Mais aujourd'hui, c'est plus ça. C'est une étape, c'est un purgatoire, si tu veux, pour celui qui n'a pas encore parfait son éducation. Ou peut-être, tu sais, là, comme dans le cas de Vladimir Junior, on va voir qu'est-ce qui va se passer, puis s'il maintient la cadence. Mais peut-être qu'après la pause du match des étoiles, comme on l'avait fait l'an dernier avec lui et Bichette au niveau A faible, à la pause du match des étoiles, on les avait montés à Dunedin, qui est le A fort. OK. Alors, tu sais, ça donne rien de brûler les étapes. Je regardais justement la formation des Fisher Cats du New Hampshire, là. Mm. Et puis, tu sais, t'as Biggio. 12 circuits. Oui, il est au deuxième but. Ouais. Bichette a ralenti un peu à la cour. Mm. Mais t'as deux lanceurs, un qui est 7-0, l'autre est 5-0. Reed Foley. Avec des moyennes inférieures à 2. Ouais. Alors, mais ça donne rien de les bousculer. Les Blue Jays cette année, la façon dont ça roule présentement, là, la chance est lointaine qu'on participe aux séries mondiales, pas aux séries mondiales, mais aux séries d'après-saison, à cause de la faiblesse de leur lanceur partant. Puis même en attaque, c'est pas si... ils sont 24e. Ben, écoute, les circuits sont là, mais il manque des lanceurs partants, parce que malgré la suspension de Osuna, je pense que la haute direction des Blue Jays avait eu le flair d'aller chercher des vétérans. Ho, le Sud-Coréen, Axford, le Canadien, et l'autre, son nom m'échappe, là. Mais, Ty Clippard. Oui, c'est ça, l'ancien des Yankees, entre autres, Clippard. Ouais. Clippard, Axford et Ho, c'est trois gars qui ont déjà été habitués à fermer la porte à l'adversaire en fin de match. Mm. Alors, oui, Osuna est dans une classe à part, mais le trio des trois vétérans peut combler cette lacune-là. Alors que chez les lanceurs partants, c'est Strowman, moi je ne comprends pas encore pourquoi les Blue Jays lui ont permis de commencer la saison au niveau majeur. C'est un problème, ça. Il avait lancé sa manche au camp d'entraînement. C'est pas assez, ça. Mm. Pour permettre, mais surtout qu'il avait eu mal à l'épaule. Alors, on l'a rétrogradé, tu sais, sur la liste des blessés pour 10 jours. Mais est-ce que ça va suffire? Mm. Tu sais, il aurait été mieux de passer, je sais pas moi, 15 jours ou 3 semaines encore au camp d'entraînement à s'assurer que son épaule était très bien guérie, à retrouver le synchronisme de son élan au monticule. Mais tant qu'il est arrivé pour commencer la saison, il était définitivement pas prêt. Les Blue Jays en payent le prix. Là. Quand ça part croche, c'est dur à revenir, hein? Ah, c'est très difficile de se replomber. Surtout que quand on connaît le bonhomme, il est très intense et il veut absolument retrouver son aplomb parce qu'il se voulait le meilleur lanceur chez les Blue Jays l'an dernier. Ouais, ouais. Et là, soudainement, il se retrouve. Tu sais, des fois, on dit, ben oui, mais c'est pas Joe Biagini, tu sais, qui peut le remplacer, mais il n'aurait pas fait pire. Non. En début de saison, Biagini n'aurait pas fait pire que Strowman, comme cinquième partant. Et puis, tu sais, Strowman aurait pu se guérir complètement et arriver au début du mois de mai ou dans la dernière semaine d'avril pour redonner un élan aux Blue Jays. Ouais. Jacques, je veux te parler, il reste deux points, moi, je suis abonné à LMBX Training, j'ai la chance de voir les Braves d'Atlanta tous les soirs. Quelle équipe, quelle belle équipe, hein. T'sais, on parle beaucoup des Yankees, des Red Sox, tout ça, mais si les gens ont la chance de voir les Braves d'Atlanta, c'est une équipe jeunes, c'est tous des jeunes. Ils ont les trois joueurs les plus jeunes du baseball majeur avec Soroka, Albies et là, le voltigeur, là, pas Osuna, mais Uzuna. Oui. Écoute, Alex, il s'est en allé dans le bon temps. Hein? Ben, écoute, lorsqu'il a refusé son contrat de 5 ans avec les Blue Jays, il s'est en allé à Los Angeles et ces deux saisons qu'il a passées là-bas, les Dodgers se sont rendus en série. Ouais. Et là, soudainement, il y a un changement de garde à Atlanta, et puis on frappe à sa porte, il regarde la formation. Évidemment, c'est pas toute son équipe, ça. Non. Ça a été bâti avant qu'il arrive, mais il a réussi à s'intégrer et à imposer à cette formation-là le désir de vaincre comme il l'avait fait à Toronto. Ouais, effectivement. Alors, moi, je suis bien content pour Alex Antopoulos. Et moi, je suis convaincu qu'il va cogner à la porte si ça continue même des Blue Jays pour Josh Donaldson. Quand t'es Jose Bautista qui joue au troisième but, t'es mal pris. Là. Est-ce que t'es d'accord avec moi là-dessus? Ça pourrait être une possibilité. Y a-tu un nommé Machado qui est à... Oui, il y a lui aussi. Ça va être un ou l'autre. Mais écoute, dans le moment, ça va très bien. Ouais. Et je suis persuadé qu'avec toute son expérience, du Montréalais, va frotter à la porte de quelqu'un pour s'assurer que son équipe, c'est pas un feu de paille. Et il y a eu un scandale qui ont eu des joueurs libérés, des joueurs des ligues mineures, je sais pas si tu t'en rappelles, mais n'empêche qu'ils ont une méchante belle organisation. Et en terminant, c'est la nouvelle de la semaine dans le baseball, Robinson Cano, pris avec 80 matchs de suspension. Robinson Cano, qui est à tout près de 3000 coups sûrs, est à 2600. Qu'est-ce qu'il prend par la tête? Un joueur qui avait déjà pratiquement son entrée au Hall of Fame, ça va retarder certainement. Qu'est-ce qui peut passer dans la tête d'un gars comme Cano, qui est un vétéran, là? C'est parce qu'il n'a pas pris la peine. Il était chez lui en République dominicaine. Écoute, on peut faire toutes sortes de projections, puis il ne faut pas... tenter de lui prêter des mauvaises intentions, là. Mais la substance qu'il a consommée, elle est bannie dans le baseball majeur parce que il y a plusieurs athlètes qui utilisent ce produit-là pour masquer des produits dopants qu'on prend. Alors, c'est pour ça que le baseball majeur a inscrit ce produit-là sur sa liste des produits bannis. Mais dans le cas de Cano, tu sais, le doute qui persiste, c'est que il est en République dominicaine, et comme je disais à Derek Aucoin hier, je ne sais pas s'il avait mal à la tête, mal à la gorge ou au gros orteil, là, mais il s'est rendu voir son médecin, puis le médecin lui a prescrit ce produit-là. Et il n'a jamais vérifié avec les médecins des Mariners. Ouais. Tu sais, aujourd'hui, il faut absolument, peu importe que tu sois en Europe, que tu sois à Cuba, que tu sois dans les pays latins, que tu sois en Asie, si tu appartiens au baseball majeur et que tu as un bobo, va pas à la pharmacie pour demander au pharmacien qu'est-ce qui va me soulager. Ouais. Si tu veux, demande à ton pharmacien qu'il soit avec toi. Tu appelles le médecin de l'équipe, que ce soit à Toronto ou à New York ou à Seattle, puis tu dis, bon, les symptômes de mon malaise sont ceux-là, et mon médecin qui est ici me prescrit ceci, cela. Qu'est-ce que vous en dites? Et le médecin de l'équipe majeure regarde sa liste, puis il va dire, touche pas à ça. Moi, je vais te suggérer d'autres choses pour corriger ton problème. Okay. Mais si tu le fais pas, tu sais, moi, je me souviens, Marcus Stroman, sa première année à Vancouver, il avait le nez bouché, il s'est en allé à la pharmacie, il s'est acheté un vaporisateur nasal ou un déconvectionnant. Ouais. Et puis, quand il a fait pipi dans le petit pot, ils ont dit, « t'as utilisé tel produit? » Il n'était pas au courant, mais il n'a pas vérifié. Ils sont des adultes. À faire des millions, ouais. Des millions. Je pense que moi, je serais intéressé à vérifier avec le médecin de l'équipe. Ouais. Et l'équipe devrait exiger qu'avant que le gars aille s'acheter une aspirine, il y ait la permission du médecin de l'équipe, parce que si j'ai investi X nombre de dollars dans la progression d'un joueur comme Robinson Cano. Je ne veux pas le perdre alors qu'il arrive en termes de carrière. Là. Il est au sommet de sa forme. Là. Mais Jacques, penses-tu que tu me comptes ça, puis c'est de la négligence plus que l'insouciance. De l'insouciance plus que de mauvaise foi comme d'autres qu'on a vu là, pour améliorer dans le temps. Penses-tu que ça va y nuire pour le rentrer au temps de la renommée? Oui, parce que la substance qu'il a consommée, ouais. c'est une substance qu'on utilise pour masquer okay. d'autres produits. Okay. Alors, c'est pas comme dans le cas de Barry Bonds ou Alex Rodriguez ou ouais. eux, les substances qu'ils ont consommées, elles n'étaient pas interdites. Mm. On a dit par la suite, ah ben oui, mais c'était des stéroïdes. Ah non, c'était tel produit qui était supposé d'améliorer ta résistance. Mm. Mais c'était pas interdit. Mm. Alors que dans le temps d'aujourd'hui, quand t'es surpris à utiliser une substance interdite, t'es averti. Ouais. T'as des moyens pour empêcher de consommer ces choses-là. Mm. Fait que... Il l'a pas fait. C'est tellement dommage. Ouais. Parce que, tu sais, puis je suis convaincu que mon bon copain Philippe Allou doit avoir la larme à l'œil et le cœur à la vague. Ben, c'est parce que, regarde, c'est un gars qui était déjà rentré au Wall of Fame. Des grosses chances d'avoir les 3000 coucheurs. Un des derniers, j'ai l'impression qu'il va atteindre les 3000 coucheurs. Donc, et puis là, ça vient tout de... Ah oui, c'est le château de cartes qui s'est écoulé. Jacques, un gros merci. Bon, on va se reparler prochainement. Puis on a bien hâte de lire le livre sur Philippe Allou. Parfait. Salut, David. Collaborateur Jacques Doucet. Oh, il y a incidemment, j'oubliais. Oui. Oui. Il y a plusieurs de mes amis qui m'appellent pour dire, ben oui, c'est où ça, les Fisher Cats de New Hampshire? Ouais, c'est ça, où? C'est pas loin, ça. C'est à Manchester. Manchester, c'est-tu pas loin de Portland? Ben, c'est dans le même coin. Là. Écoute, le New Hampshire, c'est pas un gros état, là. Ouais. Alors, on n'est pas. Le Québec est pas loin de là. Moi, on va voir des casquettes des Expos dans le coin bientôt. Ben, moi, j'écoute les matchs à tous les soirs, Jacques, parce que je suis abonné au Minor League Baseball. Je suis plus les Fisher Cats que les Jays de Saint-Cy. Puis, je vais te dire une affaire. Il n'y a pas beaucoup de monde d'un gradé, par exemple, dans les ligues mineures, hein? Ah, ben, ça, j'imagine que lorsqu'ils sont à domicile, il doit y avoir pas mal de monde, là. Ouais, ben, c'est moins. Hier, il y avait beaucoup de bains vides, hier. Oui, mais est-ce qu'il joue à domicile? Oui. Ah bon? Oui. Fait que, mais regarde, c'est apparemment ouais, que quand l'école n'est pas finie, ça joue ah, aussi. Ah, ben ça, il y a ça. Oui. Jacques, un ça coûte pas mal moins cher qu'au niveau majeur. Oui, effectivement. Jacques, on s'en reparle très bientôt. Salut, David. Jacques Doucet, collaborateur baseball.